Bonjour, je m'appelle Théo. Je voudrais vous parler de l'académie de Sombref. Je fais du dessin là-bas. Les profs sont très gentils. C'est quoi comme académie ? Ils font du dessin, de la flûte, du théâtre, du solfège. Et je crois que c'est tout. Et est-ce qu'il y a des copains à toi qui font avec toi le dessin ? Bien évidemment. Elle s'appelle Mia. Et les flûtistes, ils vous ennuient ou pas quand vous êtes concentrés ? Oui, beaucoup. La pharmacie Gilbert, existant depuis le XXe siècle, qui fait des très bons médicaments. Ben, ils sont beaux parce qu'il faut des produits faits maison. Enfin, ils font de la... Comment dire, je sais pas, de l'arôme. Mais il y a des médicaments comme des excédrins. Ça, c'est du laboratoire. Mais il y a aussi des médicaments dégueulasses vu que tout le monde n'aime pas les médicaments. Oui, parce que moi, j'ai un sirop, il est très dégueu. Est-ce que tu as déjà été chercher des médicaments là-bas ? Bien sûr. Salut, c'est Martin. Je vais vous parler du carrefour du Doc où travaille le papa d'Alexis dans un magasin. Il est très dangereux. Des poteaux de route se sont déjà retrouvés couchés à cause des voitures. Du coup, si vous y allez, faites très attention. Et pourquoi ils devraient foncer dans tous les poteaux et pas faire attention ? Ils font pas attention, ils roulent trop vite et ils voient pas les poteaux. Mais est-ce qu'il y a des gens qui habitent près du carrefour du Doc ? Alors ça veut dire que les conducteurs, ils sont alcooliques. Du coup, ils sont fous ? Pas forcément. C'est juste qu'ils ne voient pas les poteaux. Mais ma meilleure amie habite près du carrefour du Doc. C'est dangereux alors ? Ben, si ses parents font attention, non. Et Léa, j'ai une petite question. C'est qui ta copine ? Ben, c'est Mia, comme si on ne savait pas. Ben oui, c'est Mia. Je peux poser une question. Donc, les voitures... Y a déjà eu des gens renversés par les voitures ? Non, je crois pas. Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations, Martin. C'était génial. De rien.